بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. نعم، دونك aujourd'hui on commence le cours numéro 38 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra, un livre de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah au sujet des noms et des attributs d'Allah, et en particulier l'attribut de Al-Istiwa Wal-Ulu, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône d'une manière qui lui convient, et qu'il est au-dessus de sa création, au-dessus de toute chose, et qu'il est élevé. Donc on continue avec les commentaires de Cheikh Yani Salih Al-Sheikh Hafizahullah au sujet de la parole de l'imam Abu Hanifa Al-Nu'man ibn Thabit Rahimahullah. Naam, l'imam Al-Nu'man ibn Thabit Rahimahullah, dans son livre Al-Fiqh Al-Akbar, le grand fiqh. Donc Cheikh Salih Al-Sheikh, il explique dans son charh, il dit « Kitab al-Fiqh al-Akbar li Abi Hanifa al-Nu'man ibn Thabit, أحد العلماء الكبار المتبوعين في الفقه، كتاب اشتمل على كثير من مسائل الاعتقاد، سماه الفقه الأكبر مقابلة بالأصغر، وكما سمعت حث فيه على العلم النافع، وقال ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير، لأن العلم نوعان، علم مقصود للعمل وعلم غير مقصود للعمل، وإذا كان العبد يكثر من العلم الذي لا يقصد للعمل وهو جاهل أو ينقصه كثير والأكثر فيما يحتاجه للعمل، هذا لا شك أنه من جهله وعدم معرفته بغاية العلم، فالعلم الغاية منه العمل، والعمل عمل قلب وعمل الجوارح، هذا يكون بالعلم بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة، وكذلك بالعمل بالفرائض وفقه ذلك. Donc on va commencer par traduire cette partie. Cheikh Salih Al-Sheikh, il dit que le livre Al-Fiqh Al-Akbar, écrit par l'imam Abu Hanifa Al-Nu'man ibn Thabit, un des grands ulamas qui sont suivis dans le fiqh, c'est un livre qui comprend plusieurs questions qui ont rapport avec la croyance. Et il a été appelé Al-Fiqh Al-Akbar, c'est-à-dire le grand fiqh, par opposition au petit fiqh. Et c'est-à-dire, yani, le petit fiqh, c'est qu'est-ce qui est en dehors de la aqidah et des fondements de l'islam. Donc le petit fiqh, c'est yani, qu'est-ce qui est en dehors de la croyance et des questions qui ont rapport avec les fondements de la religion. Donc ça, c'est Al-Fiqh Al-Asghar. Qu'est-ce que les gens, eux, aujourd'hui étudient le plus, c'est souvent cette catégorie de fiqh. Et en ce qui concerne le grand fiqh, Al-Fiqh Al-Akbar, qui est la aqidah, le tawhid, Hein? Le manhaj, ça, ces questions-là, les gens, ils les mettent comme si c'était quelque chose de très peu important et ils l'étudient très rarement. Et quand on regarde, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans certaines universités islamiques dans le monde musulman, comme certaines, comme Al-Azhar, par exemple, eh bien, pour eux, le plus important, et qu'est-ce qui est le plus enseigné là-bas, c'est pas la connaissance de la aqida des salaf al-salih et du tawhid, mais plutôt c'est les sciences qui sont, comme par exemple, le fiqh et yani al-lugha, la science de la langue arabe, et également la connaissance qui est reliée au mustalah, les sciences du hadith, hein, et des choses comme ça, mais juste en théorie, hein, pas nécessairement dans l'application. Donc tout ça, c'est des exemples de qu'est-ce qu'on retrouve, hein, dans les universités dans certains pays musulmans. Et quand ils parlent de aqida, pour eux, c'est en réalité la aqida des mubtadi'a, la aqida des asha'ira, la aqida des maturidiyya, hein, et d'autres groupes de bid'a comme ça. Donc ça, on sait tous que c'est en contradiction avec la aqida des salaf al-salih. Naam. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils enseignent dans ces universités comme étant la aqida? C'est en réalité qu'est-ce qu'ils appellent usul al-din. Et en réalité, pour eux, usul al-din et la aqida, c'est ilm al-kalam. C'est ça ce qu'ils pensent. Alors qu'en réalité, on sait très bien que ilm al-kalam n'a rien à voir avec la aqida des salaf et la aqida de l'islam. Et c'est pour ça qu'ils ont plein d'erreurs dans leur aqida, comme on sait. Premièrement, ils se basent sur la logique grecque et la philosophie, hein, au lieu de retourner au texte du Coran et de la Sunna et de comprendre les textes selon la compréhension des salaf al-salih. Donc ça, c'est un égarement. Puis également, le fait que, par exemple, la façon dont il déforme à cause de ça les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les nie. Donc ça, c'est des exemples d'égarements qu'ils ont dans l'aqida et dans l'usul, aussi dans le tawhid par exemple, étant donné que pour eux ils nient les attributs d'Allah, donc ils ne considèrent pas le tawhid qu'on appelle tawhid ou l'asma ou sifat. Pour eux, tawhid ou l'asma ou sifat, c'est la négation des attributs, hein, puisqu'ils ne croient pas en ce que Allah s'est attribué lui-même comme attribut et comme nom. Et également, qu'est-ce qu'ils font par rapport à ça aussi, c'est qu'ils ne reconnaissent pas Tawhid al-Ibada. Hein, ils ne considèrent pas Tawhid al-Ibada. Donc pour eux, il y a une seule forme, une seule catégorie de Tawhid, c'est Tawhid al-Rububiyya. Et on sait tous que Tawhid al-Rububiyya, c'est le Tawhid qu'affirmaient même les mouchriquins. Hein, la plupart des mouchriquins sur la terre, hein, ils font le shirk, ils adorent les idoles, ils adorent des choses en dehors d'Allah. Malgré tout, ils reconnaissent l'existence d'Allah et ils disent qu'Allah est unique, comme les chrétiens, comme les juifs, comme certains, plusieurs autres religions. Ils disent, oui, il y a un Dieu unique, on croit en Dieu, sauf que ils font le shirk malgré tout. Et ils associent avec Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils prennent entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs. Et ils ne croient pas nécessairement que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah a le pouvoir de créer ou le pouvoir de contrôler quelque chose dans l'univers. Hein? Ils ne disent pas nécessairement ça. Ils disent plutôt que ce sont des êtres pieux, des hommes rapprochés d'Allah et qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent leur donner la baraka ou qu'ils peuvent intercéder auprès de Allah en leur faveur et des choses de ce genre parce qu'ils sont des hommes pieux. Donc c'est ça la base même du shirk. Hein? On a vu que c'est comme ça que le shirk a été introduit à l'époque de Nuh, alayhi salam, et que ça a continué par la suite. Donc le vrai tawhid, qui est de reconnaître l'unicité d'Allah et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui, qui est le tawhid des prophètes et des messagers, qui est confirmé par le Coran et par la Sunna, ce tawhid-là, il ne lui donne aucune importance, hein, et ne considère pas que c'est une catégorie valable, yani dans le tawhid. Même au contraire, il critique ceux qui appellent à ce tawhid, et yani, il considère que pour eux le tawhid c'est yani, au contraire de juste affirmer que Dieu existe et qu'il est unique. Même si tu fais du shirk, c'est pas grave. Donc pour ces gens-là, le fiqh al-akbar, c'est secondaire. Ils ne donnent pas beaucoup d'importance à ça. Et c'est pour ça qu'ils n'en parlent presque pas. Ils n'en parlent presque pas. Parce qu'ils n'en ont pas, ils n'ont pas compris son importance, ils n'ont pas compris sa signification. Allah musta'an. Donc le shaykh, on revient à la parole de Sheikh Saleh. Le shaykh, il dit, yani, que on a entendu de la part de l'imam Abu Hanifa, donc ce qu'on a lu au dernier cours, au début de sa parole, parce qu'on n'a pas fini, il y a une suite à ce qu'on a lu, des paroles de l'imam Abu Hanifa, mais là, on veut juste faire lire le commentaire ici. Donc il dit qu'on a vu que l'imam Abu Hanifa, il incite à la science bénéfique. Et il dit qu'un homme connaisse comment adorer son Seigneur est meilleur, plus important, que de le voir ramasser ou rassembler beaucoup de sciences. Parce que la science, elle se divise, Cheikh dit, la science, elle se divise en deux catégories. Une science qui est recherchée pour qu'elle soit mise en application, pour qu'elle soit mise en pratique, et une science qui n'est pas recherchée, qui n'est pas voulue pour la mettre en application. Donc le Cheikh, il dit ensuite, si le serviteur, il apprend beaucoup de sciences, mais qu'il n'a pas dans cette science l'intention de le mettre en application, eh bien, dans ce cas-là, c'est un ignorant et il lui manque beaucoup, hein, beaucoup de ce qu'il a besoin pour mettre en application dans sa religion. Et il n'y a pas de doute que cela, ça fait partie de son ignorance même. Et du fait qu'il ne sait pas, il ne connaît pas l'objectif de sa science. Donc, le but de la science et l'objectif de la science, c'est la pratique et l'application, c'est l'action. Donc si quelqu'un il ne recherche pas l'action, eh bien il n'a pas compris l'objectif de la science elle-même. Et une chose qui est importante à comprendre et que beaucoup de gens négligent, c'est que la science, quand on l'apprend pour la mettre en application, c'est pas seulement l'application avec le corps, mais c'est aussi l'action du cœur. Hein, et on sait que la base de la foi, la base de l'action, la base de la croyance, elle est dans le cœur, à la base. Donc si quelqu'un, par exemple, pratique des choses avec son corps, mais qu'il n'a pas les actions du cœur, ou il n'a pas compris comme il faut qu'est-ce qui est obligatoire comme action du cœur, eh bien, ces actions n'auront pas de valeur. Parce que c'est pas suffisant juste de faire les gestes avec le corps. Hein, comme par exemple, les actions du cœur. On parle de l'action du cœur, par exemple, le tawhid, d'unifier Allah, hein, c'est dans le cœur en premier. Par exemple, que tu dis que par exemple tu n'adores que Allah, tu ne crains que Allah, tu mets ton espoir que en Allah, tu mets ta confiance que en Allah. Quoi d'autre encore, yani. Donc tout ça, c'est des exemples d'adoration qui sont faites par le cœur. Et ces adorations du cœur, elles vont se refléter dans les actions du corps par la suite et dans la pratique, hein, dans l'application du tawhid. Donc ça, c'est des exemples, et ça, c'est une chose que beaucoup de gens comprennent pas. Donc quand ils étudient par exemple des livres sur le tawhid et sur la aqidah, ils disent ouais, mais on apprend ces livres là mais ça nous amène pas à rien pratiquer, c'est juste des questions qui ont rapport avec la théorie ou des choses théoriques. Et c'est faux, puisque la connaissance de ces choses là amène une certaine action du cœur par la suite. La personne qui apprend le tawhid, elle va connaître le danger du shirk et l'importance du tawhid, et elle va craindre de tomber dans le shirk. Elle va avoir peur de faire des péchés et de désobéir à Allah, elle va s'écarter de ça, elle va espérer en la miséricorde d'Allah, elle va mettre sa confiance en Allah. Tout ça, c'est des choses qui vont la pousser à mettre les pratiques de les ordres de la religion, les obligations de la religion en pratique et de mettre en application la religion par la suite. Donc, il ne faut pas négliger l'importance de la connaissance par rapport aux actions qu'elle va ramener dans le cœur et les actions du corps aussi par la suite. Et ça, c'est, comme le cheikh il dit, c'est par la science et la connaissance du tawhid et de l'aqida qui est authentique, la bonne croyance. Et ainsi que l'application de la connaissance des règles de l'héritage, par exemple, et de comprendre ces règles-là. Tout ça, ça fait partie... Il y en a des sciences bénéfiques, des choses qu'on doit chercher, rechercher. Après, le cheikh il dit: وَالْاِسْتِزَادَةُ بِالْفُنُونِ الْمُخْتَلِفَةِ هَذَا لَا يَجْرِي عَلَى أَصْحَابِهِ شَيْئًا مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ الصَّحِيحِ وَالْأَجْرِ وَالثَّوَابِ إِلَّا إِذَا كَانُوا عَلَى عِلْمٍ بِمَا يَعْبُدُونَ رَبَّهُمْ بِهِ وَفِيمَا يَتَعَامَلُونَ بِهِ فإذا كان يبتاع ويشتري يعرف كيف يبتاع وكيف يشتري وإذا كان له زوجة يعرف كيف يعامل أهله المعاملة الشرعية الصحيحة ويعشرها بما أمر الله جل أمر به الله عز وجل وإذا كان له أكثر من زوجة يعرف كيف يعامل هذه وهذه وإذا كان له أصحاب يعرف كيف يعاملهم بالشرع وهكذا فإذا كان هذا نوع من تعامله يحتاج إلى الشرع يعني فإذا كان في هذا نوع من تعامله يحتاج إلى الشرع وإلى معرفة حكم الشرع فيه لم يطلب علم الشرع فيه طلب علما آخر لا يحتاجه من جهة العمل فهو مقصر ويلحقه الإثم بذلك. Donc le cheikh il explique, il dit que d'augmenter dans les différentes sciences dans lesquelles d'augmenter dans les différentes sciences yani, qui ne vont rien apporter à la personne sur le plan du vrai fiqh et de la récompense et des rétributions et de la récompense, si elle a de la science dans qu'est-ce qu'elle fait comme adoration pour son Seigneur, dans ce cas-là, oui, ça va lui ramener un bien. Mais sinon, si elle n'a pas de connaissance dans la façon dont elle doit adorer son Seigneur et dans la façon dont elle va interagir avec les gens, eh bien, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est incorrect. Puisque la personne, elle va vendre, elle va acheter, elle va savoir comment vendre et comment acheter. Et si elle a une épouse, la personne elle a une épouse et elle sait comment agir envers sa famille selon les comportements corrects de la charia et comment avoir un comportement correct envers sa famille selon ce que Allah a ordonné. Et s'il a plus qu'une épouse, par exemple, il va savoir comment il doit interagir avec chacune d'entre elles. Et s'il a des compagnons, il va savoir comment interagir avec eux selon les règles de la charia. Donc ça, c'est qu'est-ce qui est obligatoire pour lui et c'est ce qui est nécessaire pour lui. Et c'est ça qu'il a besoin de chercher comme science. Mais s'il a besoin de connaître les règles de la charia par rapport à ces interactions-là, il a besoin de connaître le verdict de la charia dans ces choses-là et qu'il ne recherche pas la science à son sujet, il n'essaie pas de connaître ces règles-là et qu'il cherche une autre science supplémentaire ou autre dans les questions de l'application, alors dans ce cas-là, il a un manquement vis-à-vis de ses obligations et de ses devoirs. Et il a un péché par rapport à ça, puisque qu'est-ce qu'il devait apprendre et qu'est-ce qui est nécessaire pour lui, il l'a délaissé. Et ce qui n'est pas obligatoire pour lui et ce qui n'est pas nécessaire pour lui, il l'a délaissé. Il l'a recherché. Donc ce qui est nécessaire pour lui, il l'a délaissé. Et ce qui n'est pas nécessaire pour lui, il l'a recherché comme science. Et c'est pas l'attitude correcte à adopter pour le croyant. On ne doit pas agir comme ça. On doit chercher la science bénéfique pour nous et qui a rapport avec nos devoirs et nos obligations. Et non pas yani, des choses qu'on ne va jamais utiliser ou avoir besoin. Donc le cheikh il dit ومثل بعض الناس يتوسع في علوم ليست مرادة من جهة العمل مثل التوسع في معرفة السيرة أو التراجم أو في تخريج الأحاديث أو في المصطلح أو في النحو أو في أصول الفقه فيفوته العلم بنصوص الكتاب والسنة والعلم بالفقه والعقيدة الصحيحة والتوحيد وهو يتوسع في علوم كما يقال على حساب العلوم الأصلية وهذا لا شك أنه خلاف المقصود شرعا وذكر لك هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى. Donc le cheikh dit par exemple il y a des gens qui s'approfondissent dans des sciences qui ne sont pas en elles-mêmes yani recherchées ou voulues dans l'application de la religion, comme par exemple l'approfondissement dans la connaissance de la sira ou des biographies des savants ou des hommes de la religion, ou dans les questions de tahrij, faire de retourner aux références dans les hadiths, de faire le tahrij des hadiths. Il y en a qui s'approfondissent là-dedans de façon exagérée, ou bien dans le mustalah, la connaissance des terminologies du hadith et des fondements du hadith, ou bien dans la connaissance de la grammaire, hein, ou dans les connaissances des fondements du fiqh. Ça, c'est des sciences hein, qui sont des outils hein, pour apprendre la religion, mais ce ne sont pas des sciences de base. Donc, la personne, elle délaisse la science qui est reliée à la compréhension et à la connaissance des textes du Coran et de la Sunna, et la science du fiqh et de la aqida authentique et du tawhid, mais elle s'approfondit dans d'autres sciences hein, au dépens des sciences fondamentales et aux sciences qui sont de base, comme on a dit. Et ça, il n'y a pas de doute que d'agir de cette façon, c'est quelque chose qui est en contradiction avec ce qui est recherché selon la charia et ce qu'on doit rechercher selon l'islam. Et ça, ça a été rapporté ou mentionné par l'imam Abu Hanifa dans qu'est-ce qu'on a lu au dernier cours. Il dit le cheikh wa aidan zakara fi hadha al-kitab masa'il kathira tata'allaq bil-i'tiqad wa hadha al-kitab lahu akthar min riwaya minha riwayat Abi Muti'in al-Balkhi التي نقل عنها شيخ الإسلام هنا وهي الرواية المعتمدة عند أصحابه وله روايات أخرى عند الحنفية من تفصيل هذه الروايات والفروق بينها شيء كثير والكتاب عليه مؤاخذات في بعض المواضع مخالف فيها لعقيدة السلف وهذا يعني يطلبوا في مكانه إن شاء الله. Donc le cheikh il explique ici que en ce qui concerne par exemple le livre de l'imam Abu Hanifa Al-Fiqh Al-Akbar qui c'est-à-dire c'est un livre qui lui a été attribué et il dit que il y a beaucoup de questions qui sont traitées dans ce livre qui ont rapport avec la aqida et c'est un livre qui a plusieurs narrations. C'est-à-dire c'est un livre qui est rapporté de l'imam Abu Hanifa selon plusieurs narrations. Et cette narration que l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a citée, c'est la version de Abi Muti' al-Balkhi, comme on l'a dit au dernier cours. Et il y a d'autres narrations qui sont des narrations de référence, qui sont considérées comme des références pour les Hanafiyya. Et ce livre a plusieurs riwayat, comme on dit, plusieurs narrations, plusieurs versions. Chez les Hanafis et il y a des détails au sujet de ces riwayat et des différences qui sont assez grandes entre chacune d'entre elles et le livre il y a certaines objections certains points qui ont été rapportés contre le livre sur certaines questions qui sont en contradiction avec la aqida des salafs. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir et pour avoir les détails à ce sujet là eh bien il faut le rechercher là où les informations à ce sujet-là se trouvent. En voulant dire que le cheikh, il ne fait que mentionner ça en passant, mais il ne il va pas s'y attarder. Après, il dit « Wa dhakara fi ma sami'at » الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكره له لغرض مخالفة الخوارج فإن الخوارج وأشباه الخوارج في ذلك الزمان احتجوا على الخروج عن طاعة الإمام بنصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فبين أنه لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر بجماعة تخرج عن الإمام أو على الإمام تخرج عن الطاعة بالسيف أو بغيره لأن هذا كما قال إنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. Donc le cheikh il explique, il dit que ensuite, comme tu as entendu, il a parlé l'imam Abu Hanifa, il a parlé de la question de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Et il l'a mentionné dans le but de contredire les Khawarij. Parce que les Khawarij, comme on l'a mentionné, c'est yani les Khawarij. Et ceux qui ressemblent aux Khawarij à l'époque de l'imam Abu Hanifa, et même parfois même aujourd'hui encore, on l'a vu de la part de certains Khawarij à notre époque, et même parmi eux, certains comme l'imam de la mosquée Sunna, par exemple, Soufiane Omar, dans une khutbah qu'il a fait à l'époque où il y avait les printemps arabes et les révolutions, il a utilisé comme argument l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal pour essayer de dire que ce que les jeunes étaient en train de faire dans la rue, ça faisait partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, puis que les manifestations, puis les révoltes, c'était quelque chose de bien. Et ça, c'est la voix des Khawarij et des Mu'tazila, et les gens d'égarement. Hein? Donc c'est ça le manhaj de ces gens-là dans cette mosquée qui prétend être sur la sunna et qui prétend suivre la compréhension des salafs salih, alors qu'on voit très bien que la réalité est tout à fait le contraire de ça, puisqu'ils opposent clairement la voie des salafs et qu'ils critiquent et insultent et dénigrent les ulama salafiyin qui interdisent ce genre de choses. Ensuite, donc le cheikh il dit que ces Khawarij ont utilisé comme argument pour justifier leur révolte et leur rébellion contre les dirigeants et leur sortie de l'obéissance de leurs dirigeants. Ils ont utilisé les textes qui parlent de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Et l'imam Abu Hanifa ici a clarifié que on n'ordonne pas le bien. Et on interdit pas le mal en s'organisant en groupe pour se révolter contre l'imam et pour sortir de son obéissance en utilisant une épée ou une arme quelconque. Et il dit que ceux qui agissent de cette façon-là, Abu Hanifa a dit qu'ils font plus de désordre que de réforme. C'est-à-dire que c'est des gens qui font plus de corruption et de désordre que de bien. Le cheikh il dit ensuite, « وَهَذَا وَاقِعْ » فإنه ما خرج أحد في تاريخ الإسلام على طاعة الإمام الحق إلا وكان ما يفسد أكثر مما يصلح ويروم الصلاح ويروم الإصلاح ولكن يحصل من الفساد أكثر مما أراد من الإصلاح وهذا ذكره شيخ الإسلام في مواضع كثيرة وقد أطال في هذا الموضع يعني في بيان الأمر بالمعروف في رسالة المعروفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين أوجه الصلاح الباقية في طاعة الإمام وأوجه الفساد في الخروج عنه وحال الفرق المخالفة. Donc le cheikh explique que quand on regarde la réalité, hein, il n'y a pas un groupe ou des gens qui sont sortis parmi les Khawarij contre les dirigeants. À travers l'histoire de l'islam, il n'y a pas un groupe qui est sorti contre l'autorité du dirigeant et l'obéissance du dirigeant réel, hein, excepté que ce qu'il a ramené comme désordre et corruption était plus grand que ce qu'il a ramené comme réforme et comme bien. Et ils veulent le bien, ils veulent la réforme, mais ce qu'ils ramènent comme corruption et comme désordre est plus grand que ce qu'ils veulent corriger. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit de la part des groupes actuellement, comme les groupes Al-Qaïda et Boko Haram et Daesh, hein, Daesh en Irak et en Syrie, et Jabhatun Nusra, ou bien Jaysh al-Nusra, ou des choses comme ça. Tous ces groupes-là qui prétendent vouloir le bien, mais qui, malheureusement, font plus de corruption et plus de désordre que de bien, malheureusement. Donc, ces groupes-là suivent les compréhensions et les voies des Khawarij. Et tous ces groupes-là sont inspirés par les groupes, le groupe de Bid'a de notre époque, qui est le groupe des frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muflisoun, et leur tête, comme Hassan al-Banna et Sayyid Qutb, et les gens de cette catégorie, hein, Allah al-Musta'an. Le Cheikh, il dit ensuite, donc, que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a parlé de ça dans de nombreux endroits dans ses livres, c'est-à-dire la question de la révolte contre les dirigeants et comment c'est quelque chose qui est interdit et mauvais. Et il en a parlé donc dans plusieurs livres, et il en a parlé encore plus en détail dans un livre qu'il a écrit qui s'intitule Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar. Et dans ce livre-là, il a expliqué les différents points bénéfiques dans le fait que l'obéissance aux dirigeants reste, hein, c'est-à-dire que tu dois continuer à obéir aux dirigeants, même s'il est injuste ou qu'il fait des péchés, hein, et qu'il y a du bien dans ça. Et il a mentionné le mal qu'il y a dans le fait de se révolter contre le dirigeant, même si il a des injustices ou des péchés. Et il a mentionné la situation ou la position des différentes sectes qui contredisent la voix d'Ahl Sunnati wal Jama'a dans ces questions-là. Après, le Cheikh, il dit: وكذلك ذكر مسألة العلو لله جل وعلا والاستواء على العرش ومن كذب وأنكر أن الله جل وعلا في السماء مثل ما قال أبو حنيفة فهو كافر إلا أن يكون له تأويل مستساغ. ولهذا كثير من أهل العلم كفروا الذين ينفون علو الذات لله جل وعلا، والصواب في ذلك أنه لا يقطع في تكفيرهم، لأنه قد يكون لهم تأويل، فلا بد من إقامة الحجة عليهم، لأنه قد وقع في ذلك كثير من علماء كبار في الأمة، ولم ينص المحققون والأئمة على تكفيرهم، فيقال بالكفر من جهة الوعيد والتخويف، ولكن من جهة التطبيق فلا نعلم أنه طبق على من أنكر علو الذات من العلماء، لأن علماء الأشاعرة والماتوريدية هؤلاء ينكرون علو الذات لله جل وعلا، وأن الله مستو على عرشه كما يليق بجلاله جل جلاله، بل يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر، ويقولون العلو بمعنى علو القهر والقدر وليس بعلو الذات. والاستواء دليله سمعي، دليله القرآن والسنة، والعلو دليله فطري مع الكتاب والسنة والإجماع، ففرق بين المسألتين. شيخ الإسلام فيما سمعت قال: وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية لا يقصد بها الاستواء والعلو، وإنما يقصد بها العلو واتجاه الداعي جهة الدعاء، لأن الداعي يدعو من أعلى لا من أسفل، يتجه إلى العلو في دعائه. Donc on va traduire cette partie qu'on a lue. Le Cheikh, il dit que également l'imam Abu Hanifa, il a parlé de la question de al-ulu, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé et au-dessus de tout, hein? Et on a mentionné également la question, il a mentionné également la question de al-istiwa 'ala al-'arsh, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus, hein, élevé au-dessus de son trône. Il faut savoir que al-ulu et al-istiwa sont deux attributs différents, hein? Puisque al-ulu, c'est une attribut de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il est toujours au-dessus de tout. Tandis que l'attribut de l'istiwa, c'est une attribut qui est reliée à la volonté d'Allah, et il le fait quand il veut. Hein? Donc, comme lorsqu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Donc ça, c'est un exemple des attributs d'action. Donc c'est pas la même chose que al-ulu. Hein? Et donc le cheikh il dit, celui qui renie ou qui rejette que Allah soit au-dessus de sa création et qu'il soit dans les cieux, eh bien comme l'imam Abu Hanifa a dit, il est kafir, excepté s'il a il a commis une erreur dans l'interprétation ou la compréhension. Dans ce cas-là, on ne va pas faire son takfir directement. Hein? Et c'est ça qui est important de comprendre ici. Parce que le cheikh, il explique ça. Il dit, il y a beaucoup de parmi les hommes de science qui sont tombés dans... il dit, il y a beaucoup d'hommes de science, il y a beaucoup parmi les hommes de science qui ont fait le takfir de ceux qui nient que Allah soit au-dessus de toute chose, de toute sa création, par sa personne. Et il dit que qu'est-ce qui est correct à ce sujet-là, la position correcte, c'est qu'on ne doit pas dire ça de façon déterminante ou définitive, de dire que ce sont des koufars. Parce qu'il dit, le cheikh, qu'il est possible qu'ils aient une erreur dans leur interprétation ou dans leur compréhension. Et donc, dans ce cas-là, il est obligatoire d'établir la preuve contre eux avant de faire le takfir de ces gens-là. Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de grands ulama dans la Ummah qui sont tombés dans cette erreur-là, et les savants vérificateurs n'ont jamais indiqué dans leurs écrits que, de même que les imams de l'islam n'ont jamais décrit ou dit à leur sujet que ce sont des koufars. Donc, on doit dire que le kouf qui est mentionné ici, c'est dans le sens de la menace et dans le sens de vouloir faire peur, hein, puisque c'est un danger, c'est une possibilité. Quelqu'un qui nie les attributs d'Allah, hein, et que Allah est au-dessus de sa création, ça c'est du kouf. Hein? Mais l'application du verdict sur un individu, on le sait que c'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le fait de dire celui qui nie que Allah est au-dessus de son trône, il est kafir, puis il y a une différence entre le fait d'appliquer ce verdict-là sur un individu en particulier en disant par exemple un tel est kafir parce qu'il a dit ça. Puisque ça se peut, comme le cheikh il a dit ici, qu'il ait mal compris quelque chose. Et il dit comme sur le plan de l'application et du verdict, on ne sait pas, hein, on ne sait pas si... il dit là, na'lam annahu tubiqa. On ne sait pas de la part des savants que ça a été appliqué sur des individus spécifiques, parce que les ulama des Asha'ira et des Maturidiyya, ceux-là, yani, par exemple, ils nient que Allah est au-dessus de sa création par son être. Hein? Et ils nient que Allah soit élevé au-dessus de son trône d'une manière qui lui convient, et qui convient à sa majesté et sa perfection. Donc, eux, ils disent, au lieu de dire que Allah est au-dessus de son trône, ils disent que Allah a conquis le trône. Donc, au lieu de dire al-istiwa, ils disent al-istila et al-qahr, c'est-à-dire que Allah a le pouvoir et la force sur le trône, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des déformations du sens réel du terme istiwa. Mais à cause de certaines shubuhat, les ulama ne les ont pas déclarés nécessairement kuffar à cause de ça. Et la même chose pour les maturidiyya. Hein? Et ils disent par exemple que al-ulu, c'est ulu al-qahr ou ulu al-qadr. C'est-à-dire que le fait que quand Allah dit qu'il est le très haut, eux, ils prennent pas ça dans le sens de la hauteur, du fait que Allah est haut par sa personne, et en hauteur par sa personne, mais plutôt il l'interprète comme étant la hauteur dans son statut, dans sa valeur élevée, dans sa force et sa puissance, et ainsi de suite, et non pas par sa personne. Donc ça, c'est des fausses interprétations de la part de ces groupes, de ces égarés, Mais à cause de ces erreurs de compréhension de leur part, les ulama d'Ahl Sunna ne les ont pas déclarés kuffar nécessairement et directement. Comme le cheikh il a dit, il faut que la preuve soit établie sur eux avant. Et donc il dit le cheikh que les preuves de Al-Istiwa sont des preuves de la révélation, hein, des preuves du Coran et de la Sunna. Et tandis que Al-Ulu, hein, le fait qu'Allah est au-dessus de tout et élevé au-dessus de tout, qu'il est élevé et haut, ça c'est prouvé non seulement par les textes du Coran et de la Sunna et par le consensus, mais c'est également prouvé par la fitra, de l'homme, puisque yani, lorsque l'être humain fait des doigts, il invoque Allah, automatiquement et instinctivement, il se retourne vers Allah en levant ses mains vers le ciel et en faisant doua, hein, en élevant les mains vers le haut. Et ça c'est une preuve de la fitra qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Et Cheikh il dit il y a une différence donc entre les deux, entre la question de Al-Istiwa puis la question de Al-Ulu, hein. Il dit que mais malgré tout toutes ces deux questions ont des preuves de la fitra et de la raison. Et il ne veut pas dire par là l'istiwa et l'élévation, al-ulu, mais il parle uniquement du fait que al-ulu, c'est la position vers laquelle le musulman se tourne lorsqu'il fait des doigts. C'est-à-dire il se tourne vers le haut et il lève ses mains vers le ciel. Donc c'est là, il y a personne qui va faire un doigt et qui va tourner, qui va se pencher vers le sol ou qui va mettre ses mains vers le plancher ou vers la terre, hein, dans son doigt. Donc c'est pour dire que ça fait partie de la fitra. Et il dit ensuite, وَهَذَا الْإِتِّجَاهُ لَيْسَ لِأَنَّ الْعُلُو قِبْلَةَ الدُّعَى وَالسَّمَا قِبْلَةَ الدُّعَى كَمَا تَقُولُهُ الْمُبْتَدِعَ وَإِنَّمَا اتِّجَاهٌ إِلَى الْمَدْعُو والله جل جلاله في السماء وهذا فطري قد أجمع عليه الناس المسلمون والكفار والمشركون بل وحتى الذين لا يعرفون الله جل جلاله كما ذكر بعض أصحاب الرحلات قالوا ذهبنا إلى قوم ليس لهم دين ولا يعرفون الله ولكن كانوا إذا أصابتهم شدة وقحط أو بلاء أو مصيبة خرجوا إلى الصحراء وخرجوا إلى خارج البلد فتوجهوا إلى السماء بأدعية وهذا لعله مما ورثوه عن من قبلهم أو هو فطري في الأنفس وهذا بين واضح. Donc le cheikh il explique que le fait de se tourner ainsi, hein, vers le haut. Certains disent que ça c'est la qibla, hein, pour le doua, que c'est la qibla pour l'invocation. Et le cheikh il dit que ça c'est incorrect. Ça c'est qu'est-ce que disent les mubtadi'a. La qibla, yani, il dit le ciel c'est pas la qibla du doua. Il dit mais c'est uniquement le fait de se tourner vers celui qu'on invoque, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il est dans les cieux. Hein? Donc c'est une question qui est en réalité instinctive et qui fait partie de la fitra. Hein? Et ça c'est quelque chose sur lequel tous les hommes sont réunis là-dessus, sont tous d'accord, les musulmans, les kuffars, même les mushrikines, même ceux qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien lorsqu'ils sont frappés par un malheur, ils se tournent vers le ciel pour invoquer Allah. Il dit, il y a même certains qui, parmi ceux qui ne connaissent pas Allah, quand ils sont partis avec des gens dans un voyage ou quelque chose comme ça, on est allé vers des gens, ils n'avaient pas de religion, ils ne connaissaient pas Allah. Hein? Mais lorsqu'ils avaient été frappés par une difficulté ou une sécheresse ou bien un malheur ou une épreuve, ils sont sortis vers le désert, hein, Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils sont partis vers le désert, ils sont sortis à l'extérieur du pays, puis ils se sont tournés vers le ciel en invoquant Allah par diverses invocations, et ça c'est probablement quelque chose qu'ils ont hérité de ceux qu'ils étaient avant eux, et c'est une chose qui est instinctive dans leur âme, ça fait partie de leur fitra, et c'est quelque chose qui est clair, ça c'est quelque chose qui est clair. Et le cheikh dit ensuite, fa idhan al-istiwa laysa daliluhu fitriyan laysa daliluhu aqliyan wa innama daliluhu as-sam'i amma ad-dalil al-fitri al-aqli fa huwa fi al-ulu wa fi ittijah ad-da'i فاتجاه الداعي أنه يدعو متجها إلى العلو طلبا للمدعو جل جلاله هذا فطري وعلو الله جل وعلا على خلقه وعلو الله على خلقه علو الذات أيضا هذا أيضا عقلي. Donc le cheikh Saleh al-Sheikh il explique, il dit ici donc les preuves de l'istiwa ne sont pas fitri, c'est-à-dire la preuve que Allah est au-dessus de son trône, c'est pas l'épreuve qui est une preuve qui est instinctive ou qui fait partie de la nature ou de la fitra. Plutôt et ce n'est pas non plus une preuve rationnelle basée sur la logique, mais c'est une preuve qui est uniquement basée sur les textes de la religion. En ce qui concerne les preuves de la fitra et les preuves rationnelles, la question qui se relie à ça, c'est al-ulou, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé au-dessus de sa création, et que la personne qui fait des doigts, elle invoque Allah en se tournant vers le ciel. Donc ça c'est la preuve. Quand il prie, quand il invoque Allah, fait des doigts, et bien il se tourne vers le haut, vers le ciel. Donc ça c'est la preuve que c'est quelque chose qui est fitri. Wa'uluwullah ala khalqihi, donc le fait qu'Allah soit au-dessus de sa création par son être, ça aussi c'est une preuve qui est raison, basée sur la raison aussi, qui est aussi basée sur la raison et sur la fitra. Wa li hadha naqul dalil al-ulu al-kitab was-sunnah wal-ijma' wal-aql wal-fitra. C'est pour ça qu'on dit que la preuve que Allah est au-dessus de sa création et au-dessus de toute chose, c'est prouvé par le livre d'Allah, le Coran, par la Sunna, par le consensus, par la raison et par la fitra. Donc il y a cinq sources ou cinq fondements sur lesquels on peut se baser pour prouver cet élément-là. Cinq éléments qui prouvent que Allah est au-dessus de sa création. Il dit wa fama dalla alayhi Abu al-Imam Abu Hanifa zahirun min kawni Allah jalla jalaluhu فوق سماواته مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وان انكار ذلك كفر لانه جل وعلا اثبت ذلك بقوله الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit ensuite que ça c'est la preuve de ce que l'imam Abu Hanifa a mentionné, ça c'est une preuve apparente et claire du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux et au-dessus de son trône, il s'est élevé au-dessus de son trône comme cela convient à sa majesté, à sa perfection, et que le fait de nier cela c'est quelque chose qui est considéré comme étant kufr. C'est de la mécréance, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé dans ce qu'il a mentionné dans le Coran, dans le verset 5, dans Surat Taha, que le Tout Miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Donc ça c'est une des preuves dans le Coran à ce sujet. Donc on va lire la suite des paroles de l'imam Abu Hanifa, puis on va relire par la suite l'autre explication à ce sujet aussi. Donc l'imam Abu Hanifa il continue sa parole dans le livre de Al-Fatawa Al-Kubra ou Al-Fatwa Al-Hamawi Al-Kubra. Il dit ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال عرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى أن الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش. Donc le cheikh il dit que cette parole, ça c'est les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah qui commente les paroles de l'imam Abu Hanifa qu'on avait lu au dernier cours. Donc il explique, parce qu'il a mentionné que l'imam Abu Hanifa, cette parole qu'il a dite, c'est une parole célèbre de l'imam Abu Hanifa, qu'il a déclaré mécréant al-waqif, c'est-à-dire la personne qui ne veut pas prendre position par rapport à l'istiwa. Donc il dit, moi je ne sais pas. Et tu lui dis, est-ce que Allah est au-dessus de son trône, hein, ou bien il est sur la terre, ou bien il est partout? Il dit, moi je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est dans les cieux, je ne sais pas s'il est sur la terre. Donc l'imam Abu Hanifa, il a dit, celui-là il est kafir. Il ne veut pas prendre de position, mais il est kafir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas affirmé que Allah est au-dessus de son trône. Donc il dit, comment dans ce cas-là? Il donne un exemple, Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, il dit, si c'est la parole et la position de l'imam Abu Hanifa à propos de la personne qui refuse de prendre une position et qui dit, je ne sais pas s'il est sur terre ou dans les cieux ou sur terre, alors que dire de celui qui nie complètement que Allah soit au-dessus de sa création et qu'il soit dans les cieux? Celui qui dit il n'est pas dans les cieux ou qui n'est pas sur la terre ni dans les cieux, celui-là est encore, hein, son kouf est encore plus clair. Donc celui qui est hésitant ou qui refuse de prendre une position ou qui essaie de il s'abstient de vouloir prendre une position ou de dire sa position ou sa parole à ce sujet-là, Abu Hanifa l'a considéré lui aussi comme étant kafir. Alors que dire de celui qui nie complètement cet attribut-là? Et l'imam Abu Hanifa a utilisé comme preuve pour déclarer sa mécréance en disant que Allah l'a affirmé dans le Coran, dans le verset 5, dans sourate Taha, lorsqu'il a dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, c'est-à-dire le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Et il a dit le trône d'Allah est au-dessus des sept cieux. Et puis le cheikh il dit ensuite qu'il a expliqué par cela que la parole d'Allah, que le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône, il explique par cela que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, au-dessus du trône, et que l'istiwa, le fait que Allah soit élevé au-dessus du trône, ça c'est quelque chose qui prouve que Allah par lui-même est au-dessus de son trône. ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض. قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. Donc le cheikh il dit, puis ensuite l'imam Abu Hanifa a fait suivre cela par la déclaration de la mécréance de celui qui dit que Allah est sur le trône, il s'est élevé au-dessus du trône, mais il ne sait pas est-ce que le trône est dans les cieux ou sur la terre. Donc là, c'est comme si la personne, on lui a mentionné le dalil, que Allah est au-dessus du trône. Là maintenant, lui, il veut se détourner de la question. Puis là, il dit, ok, d'accord, Allah est au-dessus du trône, mais je ne sais pas, est-ce que le trône est dans les cieux ou sur la terre? Là, il nie que le trône est au-dessus des cieux. Donc ça, à cause de ça, l'imam Abu Hanifa a dit, celui-là, il est kafir lui aussi. Parce qu'il a nié que Allah est dans les cieux. Hein? Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute la création, au-dessus de tout. Et il est le plus haut de toutes les choses, au-dessus de tout. Et lorsqu'on l'invoque, on l'invoque hein, vers le, par le haut. C'est-à-dire quand on l'invoque, on se tourne vers le ciel, vers qu'est-ce qui est en haut, pas vers qu'est-ce qui est en bas. Et au dernier cours, j'avais mentionné que le premier qui avait mentionné qu'il invoquait Allah par le bas, c'était Jahm ibn Safwan, mais en réalité, c'est quand j'ai réécouté les paroles de l'imam, le cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah, il a dit que c'est Bishrin al-Murrisi. Donc, c'est un autre Jahmi qui s'appelait Bishr al-Murrisi, et c'est lui qui était le premier à avoir dit cette parole. Lorsqu'il invoquait Allah, il se tournait vers le sol, puis il disait Subhana Rabbi al-Asfal, hein, au lieu de dire Subhana Rabbi al-A'la. Donc ça, c'est, c'est clair que c'est de la parole d'égarement et de kufr. Hein, Allah musta'an. Après, le cheikh il continue, dit وَهَذَا تَسْرِيحٌ مِنْ أَبِي حَنِيفَ بِتَكْفِيرِ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَاحْتَجَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَأَنَّهُ يُدْعَى مِنْ أَعْلَى لَا مِنْ أَسْفَلَ وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية فإن القلوب مفتورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل ومن جاء وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, puis ensuite, Abu Hanifa, il a dit explicitement que celui qui nie que Allah est au-dessus des cieux, hein, que Allah est dans les cieux, qu'il est kafir. Et il a utilisé comme argument pour montrer qu'il est kafir, ou pour prouver qu'il est kafir, qu'il a ramené l'argument que Allah est au-dessus de tout, au-dessus de tout, qu'est-ce qui est dans les cieux. Et qu'on doit l'invoquer vers le haut. Lorsqu'on l'invoque, on l'invoque en se tournant vers le ciel, vers le haut. Et toutes ces deux preuves sont des preuves qui sont reliées à la fitra et à la raison. C'est des preuves de la fitra et des preuves de la raison. Et il dit, la raison, c'est-à-dire la fitra dans le sens que c'est quelque chose qui est instinctif dans l'âme de l'homme, dans sa nature, il est créé sur ça, c'est-à-dire sur cet instinct-là, sur cette idée-là, sur cette croyance-là. Il croit en ça profondément dans son être sans pouvoir savoir pourquoi, hein, nécessairement, c'est-à-dire sans pouvoir expliquer d'où est-ce que lui vient cette conviction-là. Mais il l'a en lui-même profondément parce que Allah l'a créé de cette façon-là. Et il dit فَإِنَّ الْقُلُوبِ مَفْتُورَةٌ عَلَى الْإِقْرَارِ بِأَنَّ اللَّهَ فِي الْعُلُوِ. Les cœurs sont créés de cette façon-là. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cœurs sur cet instinct-là, sur cette nature-là d'affirmer et de croire que Allah est au-dessus de tout. Et que lorsqu'on l'invoque, on l'invoque non pas vers le bas, mais vers le haut. Hein, on se tourne vers le haut et non pas vers le bas. Et il a été rapporté dans une autre expression qu'il a dite, qui est explicite aussi, qu'il a mentionné ça. Que celui qui nie que Allah est dans les cieux, il a rejeté la foi. Hein, faqad kafar. Donc, ensuite, après avoir mentionné ces points-là, l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il rapporte des paroles encore de l'imam Abu Hanifa. Est-ce que c'est les paroles de l'imam Abu Hanifa? Non, c'est les paroles d'un autre, je pense d'un de ses élèves. Et là, vous allez voir comment yani, les imams des salafs, ils étaient forts yani, dans leur position vis-à-vis déjà de bid'a, comment ils prenaient des positions sévères à leur sujet. Il dit wa rawa hadha al-lafz bil isnad. Rawa hadha al-lafz bil isnad Sheikh al-Islam Abu Ismail al-Ansari al-Harawi. Donc l'imam yani Abu Ismail al-Ansari al-Harawi. Son nom c'est Abu Ismail al-Ansari al-Harawi. Abdullah, son nom c'est Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Ansari al-Harawi. Il est né en l'an 296 et il était un des savants qui était très courageux, très fort dans la religion d'Allah. Il ne craignait personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et le blâme de personne dans la religion d'Allah. L'imam al-Dhahabi, il dit à son sujet كان أثريا قحا وكان سيفا مسلولا على المتكلمين. انتهى كلامه. Donc l'imam al-Dhahabi dit à son sujet que c'était un pur Athari, c'est-à-dire c'était un pur Salafi, quelqu'un qui se tenait sur les narrations et les preuves et les textes de la Sunna, les paroles des Salaf. Donc il était un pur Athari. Et il était une épée dégainée et élevée contre les mutakallimines, c'est-à-dire les gens de Kalam, ceux qui rentrent dans la négation des attributs d'Allah et des choses de ce genre. Il y a même une parole très célèbre qui lui est attribuée à l'imam al-Harawi, c'est qu'il a dit « On m'a menacé à la pointe de l'épée cinq fois ». Je pense que c'est cinq fois, ou trois ou cinq fois. Et il a dit, et à chaque fois on m'a dit, arrête de. Yani on ne me disait pas, change ta croyance, mais on me disait, arrête de critiquer ceux qui ne sont pas comme toi. Et je disais, je ne veux pas me taire. Là, scout. Donc à chaque fois on le menaçait à l'épée, même pour le faire taire. Pas pour dire, sois d'accord avec nous ou accepte nos idées. Non, juste pour dire, arrête de critiquer. Arrête de dire que les autres qui sont sur une autre aqidah que toi sont pas sur le droit chemin. Et il disait, je ne vais pas me taire. Même s'il était devant l'épée, il n'avait pas peur. Donc il était courageux, Yann. Et il dit, wa kana ala madhhab al-imam Ahmad fil asma'i wa sifat. Il était sur la position de l'imam Ahmad dans les noms et dans les attributs d'Allah. Toutefois, il dit amma fi as-suluk faqad iqtafa athar al-mutasawwifa wa alafa kitabahu manazil as-sa'irin ala tariqatihim wa qala anhu az-zahabi walakinahu lahu nafasun ajibun la yushbihu nafas a'immat as-salaf fi kitabihi manazil as-sa'irin fa fihi ashya' mutraba وفيه أشياء مشكلة وتوفي سنة 81 و400. Donc par contre dans la question de la conduite et dans le comportement, il a suivi la voie des soufis, des mutasawwifa. Il a écrit un livre à ce sujet-là dans son livre qui s'intitule Manazil as-Sa'irin. Mais elle a dit dans ce livre-là des paroles qui ne sont pas correctes, des choses qui sont contraires à la voix des salafs et contraires aux paroles des imams des salafs. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya a écrit son livre Na Madarij al-Salikin. Donc, le livre qu'il a écrit de Madarij al-Salikin, c'est pour corriger certaines erreurs, justement, qui sont présentes dans le livre Manazil al-Sa'irin de l'imam al-Harawi. Ok? Et donc, ça c'est pour ça que dans le livre de l'imam Ibn al-Qayyim, il y a la correction de certaines erreurs, puis l'imam Ibn al-Qayyim essaie de lui donner une excuse à l'imam en corrigeant ses erreurs, puis en mentionnant que dans certains points, il a mal, il a interprété les choses d'une manière qui est incorrecte, et il corrige ce livre-là. Dans le livre, Madarij al-Salikin, barakallahu fik. Donc, le cheikh, l'imam al-Harawi, comme on a dit, il est né en 296, il est mort en 381 de la Hijra. Parmi ses livres et ses écrits, il y a un livre qui s'appelle Dhammul Kalam, et il y en a d'autres également, Al-Arba'in, Manazil al-Sa'irin et Al-Furuq, ou Al-Faruq, pardon. Et donc c'est ça. Et ici, l'imam Ibn Taymiyyah, il cite de ce livre-là justement, il dit « Bi-isnadihi fi kitab al-Faruq » وهو ايضا وهو ايضا وابن ابي حاتم وان هشام ابن عبيد الله الرازي صاحب محمد ابن الحسن ابن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به الى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبه فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. Donc نعم, donc l'imam al-Harawi il mentionne dans son livre Al-Faruq avec sa chaîne de transmission, et ça a été rapporté également par Ibn Abi Hatim, que Hisham Ibn Ubaydillah al-Razi, qui était le compagnon de Muhammad Ibn al-Hassan, qui était le juge de la ville de Ray, a emprisonné un homme qui était un Jahmi. C'était un Jahmi, c'est-à-dire il nie les attributs d'Allah et les noms d'Allah, et il s'est repenti. Il dit, il s'est repenti. Alors, étant donné que le juge l'avait fait emprisonner parce qu'il était Jahmi, eh bien, il s'est repenti. Il a dit, ça y est, maintenant je ne suis plus un Jahmi, je reviens, je quitte cette bid'a et je reviens à la sunna. J'affirme les attributs d'Allah maintenant. Alors, ils l'ont ramené devant Hisham, le juge. Et ils l'ont ramené devant Hisham pour que Hisham le libère, fasse sortir de prison. Alors, quand il est arrivé devant le juge, devant Hisham, ce Jahmi a dit Alhamdulillahi ala tawbah. Alhamdulillahi ala tawbah. C'est-à-dire, louange à Allah que je me suis repenti. J'ai eu la repentance. J'ai fait ma repentance. Alors, Hisham, il n'allait pas le laisser partir comme ça, juste. Il dit, ça y est, j'ai fait tawba. Ah, t'as fait tawba, mashallah. Ok, tu peux t'en aller. Non, c'est pas aussi simple que ça. Il l'a testé. Il a fait passer des tests pour savoir est-ce qu'il a réellement fait tawba. Et pour savoir est-ce qu'il s'est réellement repenti. Alors, il lui a demandé les questions. Il lui a demandé des questions. Il lui a dit, est-ce que tu témoins que Allah est sur son trône et qu'il est séparé de sa création? Parce que beaucoup de Jahmiyyah, et c'est ça la aqidah de beaucoup de soufis aujourd'hui, dans Wahdatul Wujud, des choses comme ça, qui croient que tout est Allah, que Allah est tout, ou que Allah est en toutes choses, ou des choses de ce genre, ou qu'il est partout. Ça, c'est une expression qu'on entend souvent de la part des ignorants, ou bien de la part des jeunes bid'ah. Quand tu leur demandes où est Allah, au lieu de dire il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création et dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux, eux ils disent il est partout. Il est où Dieu? Et ils disent il est partout. Ça c'est la aqidah des Jahmiyyah, et c'est la aqidah des soufis parmi les hululiyin et les gens de Wahdatul Wujud. Et c'est une croyance de kufr. C'est une croyance de kufr, parce que ça implique qu'il nie l'existence distincte d'Allah subhanahu wa ta'ala, séparée de sa création. Donc les imams des salafs, lorsqu'ils demandaient ou lorsqu'ils affirmaient que Allah est au-dessus de son trône, ils ont rajouté à ça ba'inun min khalqihi, c'est-à-dire séparé de sa création. pour contredire les gens de Hulul et les gens de Wahdatul Wujud et ainsi de suite, hein, parmi les Jahmiyyah et les autres. En fait, les soufis, ils ont emprunté cette aqidah de la part des Jahmiyyah. Et ça vient en même temps des hindous et des bouddhistes et de beaucoup d'autres peuples qui ont des croyances de panthéisme. Le panthéisme qui veut dire qu'ils croient que tout est Dieu, hein, et que Dieu est partout et dans toutes choses, et qu'il n'y a pas de distinction entre créateur et créature. Pour eux, créateur et créature, c'est une seule et même chose. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et pour eux-mêmes, qu'ils vont jusqu'à dire que si tu distingues entre le créateur et la créature, tu es un mouchrik. Puis le tawhid pour eux, c'est de dire qu'il y a juste une seule chose qui existe, c'est Dieu, et que tout est Dieu. Tout est Allah. Donc c'est ça comment ils ont renversé la religion à l'envers. Donc quand ils voient des idolâtres, des mouchriquins qui se prosternent à des idoles, ils disent ça c'est pas du shirk, parce que tant qu'ils reconnaissent que c'est Allah qui est à l'intérieur de cette idole, et que Allah est partout et dans tout, donc s'ils l'adorent à travers cette idole, c'est pas du shirk. Ils disent c'est seulement du shirk s'ils l'adorent en disant que c'est une chose différente que d'Allah, que c'est pas Allah. Là, c'est du shirk pour eux, parce qu'ils distinguent entre le créateur et la créature. Donc, tu vois comment ils ont complètement dévié dans ces questions-là et comment ils se sont égarés. Ça, c'est des shubuhat du shaitan. Hein, c'est des shubuhat du shaitan. Donc, l'imam Hisham, le juge Hisham, il l'a jugé. Hein, Hisham ibn Ubayd Allah al-Razi, il l'a jugé. Et il l'a testé. Il dit, est-ce que tu dis que Allah est au-dessus de son trône et séparé de sa création? Il a dit, je témoigne que Allah est au-dessus de son trône, ça oui, mais je ne sais pas ce que signifie séparé de sa création. C'est-à-dire, il veut pas. Il a dit, la première partie, oui, je dis qu'il est sur son trône, mais séparé de sa création, non, ça je ne témoigne pas de ça. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu le juge Hisham après ça? Il a dit, ramenez-le en prison, hein? Faites-le retourner en prison, il ne s'est pas encore repenti. Ramenez-le en prison, il ne s'est pas encore repenti. يعني أن هذا الجهمي المتظاهر بالتوبة لم تصدق توبته ولم يكتفى منه أن يقر بأن الله على العرش حتى يقر بأنه بائن من خلقه فلما لم يقر بذلك عرفوا أنه لا يزال على بدعته فردوه إلى الحبس لأن نفيه أن يكون بائنا من خلقه هذا معناه أنه جعل الله مختلطا بمخلوقاته والعياذ بالله. Donc ça veut dire que ce Jahmi, il faisait juste essayer de montrer qu'il s'est repenti, mais il n'était pas sincère dans sa repentance. Hein? Parce que on ne peut pas se limiter uniquement à affirmer que Allah est au-dessus de son trône jusqu'à ce qu'on ait confirmé qu'on croit qu'il est séparé de sa création. Et lui, il n'a pas voulu dire ça. Hein? Donc, ils ont su qu'il était toujours sur la même bid'ah des Jahmiyyah encore. Il n'avait pas encore abandonné cette fausse croyance. Alors il a dit, renvoyez-le en prison. Pourquoi? Parce que le fait qu'il refuse de dire que Allah est séparé de sa création, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, Allah est encore, et il croit encore que Allah est mélangé et uni et mélangé avec sa création. Hein? Et donc ça c'est du kufr, hein? Ça c'est encore une croyance de kufr. Donc on va juste expliquer en passant les noms qu'on a mentionnés pour savoir de qui on parle. On a dit que l'imam al-Harawi, il a rapporté cette parole dans son livre Al-Faruq avec son isnad, et que ça a été rapporté également par Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim, c'est qui? C'est Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Abi Hatim Abu Muhammad al-Razi. Il est né en l'an 240. Et l'imam al-Dhahabi a dit à son sujet, Kana Bahran. Hein? Kana Bahran, c'était un océan, hein, dans la science. Et il dit وعرف بالزهد وكثرة العبادة من العلماء العاملين. Donc il est connu pour son pour sa piété, le fait qu'il se détache de la dunya et qu'il fait énormément d'adoration et qu'il fait partie des savants qui appliquent leur science. Et il est mort en l'an 327 de la Hijra. Il a plusieurs ouvrages. Parmi ses ouvrages, Al-Jarh wa Ta'dil. Il a un ouvrage qui s'intitule Al-Jarh wa Ta'dil, c'est-à-dire la critique et l'éloge. Al-Raddu ala al-Jahmiya. Donc il a un livre qui s'appelle Al-Raddu ala al-Jahmiya. Il a également une Musnad. Et il a un livre qui s'appelle Al-Zuhd. Et il a un livre qui s'appelle Al-Kuna. Et beaucoup d'autres. Donc ça, c'est des exemples. Ensuite, donc, ils ont rapporté que Hisham ibn Ubaydillah al-Razi, qui était le compagnon de Muhammad ibn al-Hassan, et qui était le juge de la ville de Ray. Donc, on va expliquer. La ville de Ray, c'est une ville qui est au nord de l'Iran. La ville de Ray, c'est une ville qui est au nord de l'Iran. Et il faut savoir que l'Iran, à l'époque, c'était pas un pays qui était comme l'Iran aujourd'hui, rempli de Rafida et de Shia. Non. À l'époque, au contraire, c'était un pays qui était rempli d'imams de la Sunna. Et quand vous regardez, par exemple, les noms des grands imams de l'islam, et les grands savants et les imams du hadith, beaucoup d'entre eux viennent de ces régions-là. Hein? Donc, c'est à cette époque-là, c'est rempli d'imams, rempli de savants, des montagnes de science, hein, en Iran. Donc, c'était pas comme c'est à l'époque actuelle. Ça, c'est important de le savoir. Et les habitants de la ville de Ray, hein, on les appelle Raziyoun. Les ulama, ils ont rajouté le Zay, hein, la lettre Z, pour le prononcer. Sinon, ils diraient Rayi. Peut-être pour que ce soit plus facile à prononcer, ils ont ajouté Razi. Hein, Ar-Razi. Quand quelqu'un vient de Ray, il dit Ar-Razi. Il y a plusieurs imams qui viennent de la ville de Ray. Et il y a Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi et beaucoup d'autres également. Donc Ibn Abi Hatim, c'est le fils de Abu Hatim Ar-Razi. Abdurrahman s'appelle. Et c'était lui aussi, comme son père, était un des grands imams du hadith. Et il dit que Hisham ibn Ubaydillah, lui aussi qui vient de la ville de Ray, Razi, c'était qui Hisham ibn Ubaydillah? Hisham ibn Ubaydillah al-Razi al-Busti, c'était un faqih, un grand savant, et l'imam al-Dahabi a dit à son sujet aussi, kana min buhur al-ilm, il était parmi les océans de science. Ahadu a'immat al-Sunnah, c'était un des imams de la Sunnah. قال عنه أبو حاتم ما رأيت أحدا أعظم قدرا ولا أجل من هشام بن عبيد الله الرازي بالري من هشام بن عبيد الله بالري انتهى كلامه. Ça c'est le témoignage de Abu Hatim al-Razi, un des imams de la Sunna. Abu Hatim et Abu Zur'a, c'est deux des grands imams de la Sunna. On les appelle al-Raziyan, les deux Razi. Hein, et il y a la aqida de ces deux imams qui est très célèbre et qu'on considère comme une référence dans les livres qui expliquent l'aqida des salafs et de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc il dit ici que l'imam Abu Hatim, il a fait un témoignage au sujet de ce Hisham ibn Ubaydillah al-Razi. Il a dit, je n'ai jamais vu de personne avec un statut plus grand et un plus grand respect, hein, plus grand respect et yani plus de statut que Hisham ibn Ubaydillah dans la ville de Ray. Et l'imam Hisham, ou le cheikh, yani, al-faqih Hisham ibn Ubaydillah al-Razi, il est mort en l'an 291. Donc il faut savoir que ce témoignage-là, c'est un grand témoignage de l'imam Abu Hatim. Abu Hatim qui était un des contemporains de l'imam Ahmad ibn Hanbal, il y a des proches hein, avec Abu Zura. Donc c'est des imams des salafs. Ça c'est des imams parmi les imams des salafs. C'est pas n'importe qui. Et pourquoi l'imam Ibn Taymiyyah il cite ces hommes-là? C'est pour nous faire comprendre yani, leur statut, leur importance dans la science. Et il dit Sahibu Muhammad ibn al-Hassan, c'est-à-dire le compagnon de Muhammad ibn al-Hassan. C'est qui Muhammad ibn al-Hassan? Muhammad ibn al-Hassan ibn Farqad Abu Abdullah al-Shaybani al-Kufi faqih al-Iraq sahib Abu Hanifa. C'était le compagnon de Abu Hanifa, un de ses proches élèves, un de ses meilleurs élèves, et c'était le faqih de l'Irak à l'époque, le grand savant de l'Irak. Son nom c'est Muhammad ibn al-Hassan ibn Farqad Abu Abdullah al-Shaybani al-Kufi. Et il dit « Ouliya al-qada lil-Rashid ba'da Abi Yusuf wa kana zakiyan yudrabu bihi al-mathal » Donc c'est lui qui a pris à l'époque de al-Rashid, Harun al-Rashid, le khalifa. c'est à l'époque de Harun al-Rashid, c'est lui qui a été au poste de juge à cette époque, après Abu Yusuf. Abu Yusuf, c'est un autre des compagnons de Abu Hanifa. Et il était très intelligent. Et on donnait des exemples de son intelligence, tellement il était intelligent. Et on a demandé à l'imam Ahmed ibn Hanbal, « Min aina laka hadhihi al-masa'il al-diqaq ?» قال من كتب محمد بن الحسن انتهى كلامه. C'est-à-dire qu'on a demandé à l'imam Ahmed, d'où est-ce que tu as, d'où as-tu eu ces questions détaillées dans la science, toutes ces questions, ces points détaillés de la science, où est-ce que tu les as trouvés? Il a dit, je les ai trouvés des livres de Muhammad ibn al-Hassan. انتهى كلامه. Donc c'est pour dire à quel point Muhammad ibn al-Hassan était un grand savant et très intelligent et un grand savant de fiqh. Même l'imam Ahmed ibn Hanbal a profité de ses livres. Et il est mort en quelle année, Muhammad ibn al-Hassan? Il est mort en l'an 189. Il est mort en l'an 189. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un de grand, et ça montre en même temps que Hisham ibn Ubayd al-Razi c'était quelqu'un d'important aussi. Et c'était le juge de la ville de Ray. Après, il dit, Naam. Donc c'est ça, il mentionne ces noms-là. Je voulais juste expliquer qui ils étaient pour qu'on sache de qui on parle. Et donc, on voit maintenant un petit peu dans cet exemple la position de, à l'époque, comment les salafs, ils étaient très sévères hein, avec... les gens de Bid'a et comment ils réagissaient par rapport à ces gens-là qui propagent la Bid'a. Alhamdulillah, ils les même parfois pour les punir, ils les mettaient en prison. Parfois même ils étaient exécutés, comme Al-Ja'd ibn Dirham. Ja'd ibn Dirham, il a été égorgé le jour d'Aïd par l'imam, par le dirigeant, hein, Khalid al-Qasri. Hein? Khalid al-Qasri, il est monté sur le mimbar le jour de Eid, ou bien plutôt il est monté là où il était pour faire le discours, et quand il a fini le discours, il a dit, oh vous les musulmans, partez faire vos sacrifices, moi je vais égorger Al-Ja'd ibn Dirham, parce qu'il a nié que Allah a parlé à Moussa, et il a dit que Allah n'a pas pris Ibrahim comme un Khalil. Donc, il y en a pour dire qu'il nie ce que Allah a révélé. Donc, il l'a exécuté à cause de ça. Parfois, les Mubtadi'a à cette époque-là, comme ceux-là, ils étaient punis par la prison. Parfois, ils étaient punis par l'exécution ou d'autres. Donc, c'est pour dire que les salafs, ils étaient comme ça avec les gens de Bid'a. Naam. Donc, le Cheikh Saleh al-Sheikh, il dit à ce sujet-là, une petite explication. Il dit que لِأَنَّ الْفَرْقْ بَيْنَ الْجَهْمِيَّ وَغَيْرِهِمْ الْقَوْلُ بِالْحَدْ وَالْقَوْلُ بِالْحَدْ هُوَ الْفَرْقْ. فقول بائن من خلقه هذا هو التفريق. ولهذا نص كثير من الأئمة قال بحد، وهذه كلمة لم ترد في الكتاب والسنة، ولكن لأجل التفريق ما بين الذين ينكرون علو الذات والاستواء على العرش وبين المقرين به، لأنه قد يقول أقر بأن الله على العرش، على العرش استوى، يعني به استولى، أو يعني به معنى آخر في ذهنه، أو يقول لا أدري أيضا، لا، أو يقول أيضا لا أدري في نفسه ما معنى استوى. ولكن إذا قال بحد أو بائن من خلقه، هنا صار المعنى استواء الذات وعلو الذات. ولهذا دخل كثير من الأئمة في لفظ الحد، وألفاظ غير واردة في الكتاب والسنة لأجل الفصل ما بين قول المبتدعة وقول غيرهم، فاتخذوا هذه الألفاظ حتى لا يضيع الحق فيما بين ألفاظ المبتدعة، واحتجوا إليها احتياجا حتى يفرق بين أقوال أهل البدع وأقوال أهل الحق. أي نعم. donc ici qu'est-ce qu'il explique le cheikh Saleh al-Sheikh, il explique que certains des imams des salaf, ils ont rajouté la parole séparée de sa création. Ils ont dit il est au-dessus de son, il s'est élevé au-dessus de son trône séparé de sa création. Et ça a été rajouté pour yani établir la preuve contre les gens de bid'a. Il dit c'est pas des termes qui sont mentionnés dans le Coran, dans la Sunna, mais c'est dans le but de distinguer entre ceux qui affirment al-ulou mais qui en même temps le nie, c'est-à-dire qu'ils le déforment dans le sens, puis ceux qui croient réellement en la signification réelle de al-istiwa, parce que eux, comme on a dit, ils disent istiwa, ça veut dire istiwa bima'na al-istila, dans le sens que il a pris le contrôle ou le pouvoir du trône, et non pas al-istiwa dans le sens que il s'est élevé au-dessus du trône. Ou bien il l'interprète d'une autre façon en disant quelque chose en lui-même. Il dit, oui, j'affirme que Allah s'est élevé au-dessus de son trône, mais dans son cœur, il dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ou il lui donne une autre interprétation dans son cœur. Mais quand on rajoute séparé de sa création, là, il n'a pas le choix d'affirmer que la signification de al-istiwa, c'est istiwa al-zat. C'est-à-dire que c'est Allah lui-même, par sa personne, qui s'est élevé au-dessus de son trône. Et donc, ça, c'est des exemples des paroles des salafs qui ont été ajoutées comme pour rajouter de la clarté et pour distinguer la position des salafs de la position des gens de Dégarma. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.